Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'archéologie sonore à l'écoute des sons du passé. Échaudés, gâteaux, petits fours, petits choux, achetés, mes cuillères à peau, marrons chauds, les marrons chauds. Les cris du passé dans les villes sont connus. Ce sont ceux des vendeurs ambulants, des marchands, des ouvrages entiers leur sont consacrés. Mais qu'en est-il des sons qui leur sont associés? Celui du froissement de l'étoffe ou du panier que l'on pose, celui du moulin ou d'une antique scie à bois? Car même un étal de boucher produit des sons. Passionnante recherche que celle des sons du passé. Mylène Pardoen, bonjour. Bonjour. Je crois qu'il est nécessaire de définir de quoi nous parlons. D'ailleurs, c'est la démarche absolue dès que nous abordons un sujet. De quoi est-il question ici? Il y a le mot son, il y a le mot bruit. Quelle est la différence d'ailleurs entre les deux? Aujourd'hui, on a plus une connotation un peu polluante. Quand on parle de bruit, tout de suite, on pense à une pollution sonore. Alors qu'un son, bon, c'est un peu plus, on va dire, poétique. Pour moi, il n'y a pas... Fondamentalement, il n'y a pas de différence entre les deux. Il y a plus de différence lorsqu'on l'enregistre entre un son et puis une note de musique, un instrument de musique. Puisqu'une note de musique, c'est une fondamentale avec des harmoniques. Alors que lorsqu'on va enregistrer un bruit ou un son, on a quelque chose de... un amalgame de fréquences qui fait qu'on peut pas les on peut pas les séparer. Alors un son, moi quand je dis j'enregistre un son, je vais plutôt enregistrer quelque chose de très serré. Un geste par exemple très serré, alors que lorsque je vais dire un bruit, on va être plus sur quelque chose un peu plus d'ambiance, donc quelque chose de plus large. Oui, c'est comme si le bruit était une accumulation de sons. C'est ça. On a plusieurs éléments qui fait qu'on peut pas les séparer. C'est très difficile à faire comprendre que lorsqu'on fait un enregistrement, on peut pas séparer les éléments qu'on a enregistrés. Il faut soit enregistrer chaque élément séparément puis les reconstruire. Ensuite, on peut les faire éclater. Mais si on enregistre une ambiance sonore où il y a plein de sons et plein de bruits, eh bien, on peut pas segmenter chaque partie. Oui, parce que ça superpose tout ça. Dites donc, Mylène Pardoen, vous êtes musicologue, ingénieure de recherche au CNRS, archéologue du paysage sonore. Eh bien, justement, paysage sonore, c'est ce que nous évoquons là. C'est cette accumulation, en fait, de sons. Je vous pose cette question. Mais comment en arrive-t-on là? Parce que ce n'est pas une démarche évidente de réfléchir au son. Alors, je vais vous la faire courte, parce que sinon on va perdre du temps. On arrive sur ce segment-là tout à fait par hasard. Moi, vous l'avez dit, je suis musicologue de formation et mon terrain d'exercice était les musiques militaires. Et j'ai eu l'opportunité de travailler pour les Invalides. Et je me suis posé la question à savoir pourquoi il n'y avait pas de son dans les musiques. Pourquoi, alors qu'on est à une période de multimédia? Et à chaque fois, la réponse que j'avais, c'était on veut pas de Walt Disney. Donc c'est difficile de savoir ce que l'on veut quand on sait qu'on veut pas, mais en tout cas il y a déjà une piste. Et de fil en aiguille, je me suis plongée dans ces ambiances sonores. Alors les ambiances sonores militaires, puisque je travaillais pour les Invalides, et ça m'a permis de mettre le doigt dans l'engrenage. Ce qui fait que de fil en aiguille, après ça a été un coup de cœur, j'ai eu Brothèse et j'ai eu Louis-Sébastien Mercier, et je me suis intéressée au paysage sonore. Alors là, vous évoquez ce nom qui est magique. Hein. Brothèse, nous connaissons Turgot pour le plan Turgot, entre autres, au XVIIIe siècle, ce plan magnifique de Paris. Brothèse, qu'est-ce? Alors, Louis Brothèse, c'est celui qui a levé le plan. Il avait avec lui 50 arpètes. Et il a sillonné tout Paris pour faire des élévations, des relevés et produire ce plan Turgot. Et quand je dis qu'est-ce, j'aurais pu dire qui est-ce, mais qu'est-ce? Parce que c'est devenu un projet, c'est votre projet, Mylène Pardoen. Oui, il est sorti en 2015 et là aujourd'hui je travaille sur la 19e version. Donc c'est un projet qui continue puisque une recherche, elle ne meurt pas comme ça, elle s'arrête pas d'un seul coup. Et celle-ci en plus, comme elle est exploratoire, tout est à créer. Oui, tout est à créer parce que c'est quelque chose qui nous intéresse d'imaginer l'univers sonore. Alors en l'occurrence, dès que nous évoquons le plan Turgot, dès que nous évoquons Brothèse, nous nous trouvons à Paris avec effectivement un plan absolument magique, presque sonore. Voyez Romain, on apporte son corps. pleuré par Marc-Antoine. Qui, bien que n'étant pour rien dans cette mort, en recevra le bénéfice, c'est-à-dire une place dans la République, ainsi que vous tous, citoyens. J'ajouterai qu'aussi vrai que j'ai dû tuer César pour la gloire de Rome, je garde précieusement ce même glaive pour le cas où ma patrie exigerait que je disparaisse. Vive Brutus, qu'il vive ! Brutus a parti ! Portons-le en triomphe jusque chez lui ! Que le peuple élève une statue ! Vive Brutus ! Vive Brutus ! Qu'il devienne César ! On retrouvera en Brutus ce qu'il y avait de mieux en César ! Jules César de Mankiewicz en 1956, le film bien sûr, car il n'y a pas que de Paris dont nous avons le plan, il y a Rome aussi, et le plan de Rome est extrêmement bien connu. Mais dès lors, quels sont attribués à une ville dont nous connaissons que la construction, l'urbanisme? Et pour nous en parler, Alexandre Vincent, bonjour. Bonjour, Xavier Mauduit. Vous êtes maître de conférence en histoire romaine à l'université de Poitiers, et justement, dans cette réflexion sur les sons, nous évoquions le plan de Paris, qui peut être un support pour réfléchir au son. Nous avons le plan de Rome. À quel moment, dans la recherche sur l'histoire de l'Antiquité, s'est-on intéressé au son que pouvaient entendre les Romains ? Alors c'est assez récent, je dois simplement préciser qu'on a le plan de Rome, on en a certaines parties, on en a certains fragments, hein. c'est la joie de l'archéologie des périodes anciennes, c'est que tout ça c'est fragmentaire. On a une connaissance effectivement de l'urbanisme, mais on n'a pas le plan aussi détaillé que peut l'avoir Mylène Pardoin pour le plan de Paris du XVIIIe siècle. L'intérêt pour les sons en histoire ancienne est relativement récent, c'est quelque chose qui est émergent, qui est très florissant, qui s'inscrit dans des courants, alors ça pourrait dériver d'une histoire culturelle, d'une histoire des sens, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 80-90 avec l'anthropologie des sens, l'histoire des sens, et l'idée qu'on peut s'intéresser aux perceptions sensorielles et donc aux perceptions acoustiques, aux perceptions sonores comme étant des objets d'histoire qui ont donc une évolution, qui ont une contextualisation qui doit être nécessairement menée pour qu'on puisse les comprendre, puisque vous posiez initialement la question de savoir qu'est-ce qu'un son, qu'est-ce qu'un bruit, qu'est-ce que la musique. Ce sont avant tout les constructions sociales. D'après moi, une fois que vous avez le signal acoustique qui, lui, a une définition physique sur laquelle on pourrait peut-être tous s'accorder, derrière cela, le son, c'est une construction sociale. Et j'aime beaucoup l'expression qui est utilisée par un collègue sociologue qui s'appelle Anthony Pequeux, qui parle d'oreille morale. L'oreille, notre oreille, classe, notre oreille définit ce qui va être une pollution sonore, ce qui va être quelque chose de gênant, au contraire quelque chose d'agréable à l'oreille. Et bien, il faut partir du principe que ce n'est pas la même chose pour nos prédécesseurs, pour les hommes et les femmes des périodes modernes, médiévales et antiques. Et donc, c'est à la recherche de cette archéologie des perceptions, donc une archéologie non seulement des émissions sonores, mais aussi des perceptions sonores, que nous invite ce nouveau pan de l'histoire que je trouve passionnant et qui a beaucoup de choses à apporter, je pense, pour une compréhension qui n'est pas uniquement une compréhension de détails sur les sons, ça peut paraître anecdotique, mais derrière cela, il y a une perception ontologique qu'on écoute tous tout le temps. Nous sommes par le monde, par l'oreille, par la perception que nous avons du monde, par celle des yeux qui est évidente, parce que depuis Aristote, eh bien, la vue semble dominer les sens, mais les sons et l'oreille sont là derrière aussi pour notre être au monde et sont importants pour nous comme pour les anciens. Vous avez raison, Alexandre Vincent, de souligner la pertinence de ces recherches. Et j'ai voulu commencer justement avec un péplum de 1956, le film de Mankiewicz, parce que, vous nous l'avez dit, la recherche scientifique sur les sons, l'archéologie sonore, est récente. Cependant, il y avait besoin, ne serait-ce que par le cinéma, d'imaginer les sons du passé. Alors ça, c'est encore autre chose. Mylène Pardoen, quand vous entendez un péplum comme ça, vous avez l'oreille, j'allais dire déformée, mais dans le bon sens du terme, à l'écoute du moindre détail. C'est vrai qu'il y a eu besoin, par le cinéma principalement, d'inventer. Mais voilà, nous étions dans une invention, c'est plus une représentation de l'univers des gens qui produisaient le film tel qu'ils imaginaient ces sons du passé. Oui, on est dans une projection sonore, on est sur un imaginaire collectif. Quand on se plonge pas réellement, quand on n'étudie pas les aspects sonores du passé, on a tous, au fin fond de notre mémoire, l'imagination très fertile, et on se projette sur ce comment pourrait raisonner le passé sans en être certain. Mais c'est en fonction de notre affect. Moi, je dis c'est aussi en fonction de ce qu'on appelle l'ADN sensoriel. C'est-à-dire que depuis notre naissance, on va amalgamer un certain nombre de référents qu'on va mettre en mémoire et qui va trouver résonance au fond de nous et qui nous permet de se dire, bah tiens, sur cette situation-là, je verrais bien ce bruit-là. Voilà. Qui est souvent erroné, mais voilà, on se dit bah, un cheval ça fait beaucoup de bruit, un carrosse ça fait beaucoup de bruit, et puis dans la réalité ça fait du bruit, mais pas plus de bruit que ça. Donc on va jouer sur un imaginaire et on va se projeter dans ces films, mais aussi au théâtre, hein, puisque au théâtre, eh bien, on avait aussi besoin de bruit. D'où la nécessité d'un bruiteur. Donc voilà, ça permettait de recontextualiser, pas réellement, des situations où la seule parole ou le seul décor ne suffisait pas. Et votre démarche est tout autre, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout dans l'imagination, au contraire, même c'est une vraie démarche scientifique. Si nous prenons les cas de ce que vous avez étudié, vous, particulièrement hors Paris, mais le Paris Lutèce du 3e siècle de notre ère, ou alors le Paris du 18e siècle, quelle est votre démarche pour essayer d'identifier justement ces sons? Parce que un cheval fait un bruit, un son de cheval, quel que soit le temps qui passe, a priori. Alors, oui et non, puisque aujourd'hui les chevaux ne sont plus tout à fait ferrés comme à l'antique, enfin à l'ancienne. Donc, ça fait pas tout à fait le même bruit. Qui plus est, on a les revêtements qui me sont modifiés. Hein. Donc, il faut retrouver, lorsqu'on part en campagne, il faut retrouver le maximum d'éléments pour être dans la bonne situation et être le plus proche possible d'une possible réalité. Moi, tous les paysages qui sortent de mes petites mimines, ce sont des sons du passé qui sont encore dans notre présent. Ce qui fait que s'il n'y a pas de son, je vais pas l'imaginer, parce que j'ai beaucoup d'imagination, mais ça va faire un trou, mais dans la foison de sons, ça s'entendra pas. Oui, c'est ça. C'est vraiment reconstituer les sons un à un pour les mettre ensemble et faire ce paysage sonore. Mais Alexandre Vincent, dans ce que nous venons de dire, bien sûr, les chevaux notamment, vous avez insisté avec raison sur l'importance de la réception. C'est une histoire des perceptions, des représentations. Nous n'entendons pas le cheval comme nos ancêtres pouvaient entendre le cheval. Disons que nos oreilles l'entendent peut-être de la même manière, mais ce que le cerveau met derrière, ça, il faut partir du principe que on ne peut pas dire forcément que c'est la même chose. Ça a la même signification. Pour vous, un cheval, ça va renvoyer peut-être, je sais pas moi, aux courses hippiques, et pour quelqu'un d'autre, ce sera autre chose. Donc il y a une variabilité des individus, mais il y a aussi une variabilité contextuelle entre les périodes. Et une des manières de contrer ou de contrôler l'imagination éventuellement. Donc Mylène en a évoqué une qui est celle d'enregistrer uniquement des sons qui sont encore vivants dans le présent. Une autre manière peut-être de limiter cette part de l'imagination en partant des vestiges du passé et en laissant la part de la reconstitution sous contrôle d'une dimension, d'une approche scientifique rigoureuse. C'est le cas par exemple, c'est ce qu'on peut mener autour des vestiges archéologiques d'instruments de musique qui sont assez nombreux à avoir survécu au ravage du temps, même pour les périodes anciennes comme pour l'Antiquité. Certains sont très bien conservés, ça dépend des périodes, ça dépend des civilisations. Quand on travaille sur l'Égypte, on a la chance parfois d'avoir des objets, des vestiges archéologiques entiers qui sont quasiment prêts à être joués. Parfois, il y a des vestiges beaucoup plus fragmentaires, et là, il faut faire intervenir une méthode qui s'apparente à ce qu'on appelle l'archéologie musicale, mais qui peut être menée de manière extrêmement rigoureuse avec de l'archéométrie, c'est-à-dire qu'on prend l'instrument, on analyse sa forme, son l'organologie, la manière dont il est composé, on prend des mesures très précises et en se fondant sur des règles qui sont des règles qui peuvent être connues. On a quand même des traités anciens qui nous expliquent comment les instruments devaient sonner, comment est-ce qu'ils étaient construits. Alors on peut réussir à avoir une reconstitution qui soit raisonnable et raisonnée et dont on peut espérer, à partir de cette méthodologie rigoureuse, faire entendre effectivement les émissions sonores telles qu'elles pouvaient être réalisées. Ça ne dit pas qu'on va, nous, avec nos oreilles contemporaines, mettre la même chose derrière. Souvent on peut dire mais c'est moche, mais c'est horrible, mais d'où la tentation peut-être plutôt se confier à notre imagination qui va projeter nos canons esthétiques sur les sons du passé. Comment imaginer que ces Romains et ces Grecs dont nous descendons ou dont nous prétendons descendre, en tout cas en gommant parfois toutes les intermédiaires ou les hybridations qui ont pu avoir lieu, comment imaginer donc qu'ils écoutaient des choses qui m'écorchent l'oreille, des concerts de chats hurlants, que sais-je, qui nous écorchent l'oreille, c'est culturellement impossible. Mais derrière donc cette oreille morale, je reprends encore une fois la terminologie, on a une émission sonore qui, elle, se fonde sur une pratique scientifique, quasiment qui confine là encore presque aux sciences dures parfois, et qui nous permet d'avoir une validité scientifique. Oui, c'est ça le plus important. Mylène Pardoen ? Eh bien oui, pour rebondir sur ce propos-là, c'est qu'en plus, aujourd'hui, on a des canons esthétiques qui nous mènent, surtout pour la musique, qui nous mènent à écouter pratiquement au coma près. Donc, on n'a pas besoin de remonter jusqu'à l'Antiquité, mais par exemple, pour une restitution sur des instruments du XVIIIe siècle, quand on sait qu'au bout d'un quart d'heure, ils sont déjà complètement désaccordés, je pense qu'on faisait un concert à l'époque en jouant le moins faux possible, le plus longtemps possible. Mais on est très très loin des conditions d'exécution de la musique actuelle. Et pour continuer aussi sur ce propos, puisque là on est sur les instruments de musique, mais nous on travaille également en archéologie exploratoire avec des restitutions d'engins, de machines, et là aussi ça nous permet d'enregistrer des sons qui n'existent plus, mais que l'on fait revivre et que l'on va essayer. Alors nous, on s'en sert sur deux plans, à la fois pour les avoir, les engranger comme matière sonore, mais également pour permettre à toutes ces personnes qui travaillent autour de ces reconstitutions d'améliorer le système pour être le plus proche possible de la machine initiale. Oui, retrouver le bruit de la machine. Il a quel âge ce moulin, monsieur Barbier ? Oh, je sais pas, mais il doit être à peu près de l'âge à mon frère, celui de mon frère là-bas. 1477. On ne sait pas à un siècle près, mais je vois qu'il est presque aussi vieux. D'après le bois. Et vous, vous êtes meunier depuis combien de temps? Ah, ben j'ai commencé à l'âge de 13 ans, sortant de l'école, avec mon père, à Levéville-Lafenard. Qui était meunier déjà? Ah oui, puis son père était meunier, puis son grand-père était tailleur d'habits, mais il provenait d'une famille de meuniers d'Artenay. Ça date de 1740. C'est comme les marins sur leur bateau, quoi. C'est... Hein, ça vous tient, quoi. On peut pas se passer d'un moulin, c'est pas possible. Ah non. Ah non, non, non, ça... C'est un être vivant, en vie avec, quoi. Vous l'écoutez, le moulin? Ah oui. Le moindre bruit, j'entends. La moindre alerte, c'est ce qu'il y a. Quand ça va à bon train, on entend le tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça bat la mesure, ça invite à chanter. Quelle est belle cette archive, le meunier et les sons du moulin, c'est dans la lorgnette, vous savez, l'émission d'Antenne 2, c'est Pierre Bonte qui allait tendre son micro comme ça. Alors, en l'occurrence, à un meunier, Mylène Pardoen, il y a vraiment de cela aussi, il y a ce savoir du son, là nous entendons ce meunier, il connaît par cœur son moulin, le moindre bruit, c'est aussi quelque chose qui s'est perdu, c'est très dur à retrouver, vous évoquez des reconstitutions de machines, et puis... Il y a ce qui reste, ce qui demeure. Peut-on avoir confiance? Tout a bougé, tout a changé. Alors, tout a bougé, tout a changé, oui et non, parce qu'on arrive quand même à retrouver des pratiques qui sont proches des pratiques anciennes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on est dans l'histoire, on est sur du temps long. Et ça, c'est fabuleux. Parce que même s'il y a une petite évolution par tuilage, on arrive quand même à avoir des référents qui sont intéressants. Et ça permet de faire des captations vraiment très très fines. Et notamment, en effet, les artisans qui pratiquent des métiers à l'ancienne apportent ce savoir sensoriel. Parce que là, on parle du son, mais le meunier vous dira aussi qu'il travaille avec son nez et que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de grains à moudre, bah, ça chauffe la pierre et donc tout de suite, il est au courant, au-delà du son, il est au courant par son nez qu'il y a des soucis sur son moulin. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on remonte le temps, les métiers faisaient tous appel à notre sensorialité. Tous, sans exception. Et donc, tous ces métiers-là, même celui qui semble être le moins bruyant, il apporte sa part à l'écoute, au toucher ou à l'olfactif. Oui, c'est très important hein, de mettre ses sens au centre de la réflexion, parce que là, nous évoquons surtout le son qui est là, qui est fragile et qui, par définition, ne laisse pas de traces. Pourtant, Alexandre Vincent, il y a des sources. L'historien, l'historienne travaille sur les sources. Elles doivent être dures à trouver. Malgré tout, il faut faire une enquête fine pour essayer de saisir les moments où les documents ont laissé trace de ces sons. J'ai envie d'être provocateur, de dire non en réalité. Il suffit d'ouvrir n'importe quel texte narratif, ou presque, et en réalité, les sons sont partout. C'est simplement que pendant longtemps, on n'a pas vraiment prêté attention à ce qui est une sorte d'environnement général et pas imaginé, encore une fois, que ça puisse être un objet d'histoire sérieux, crédible et qui puisse avoir un intérêt quelconque pour la compréhension des sociétés du passé. Mais du moment qu'on veut bien se donner la peine de relire ces sources à partir, avec comme grille de lecture, une sorte de recension ou un tamis qui serait celui de faire ressortir des textes, tout ce qui correspond à des occurrences d'événements sonores, on se rend compte qu'il y en a une quantité astronomique. Alors évidemment, certains textes se prêtent mieux que d'autres à cette recension. Pour les sources latines, si vous dépouillez Martial, si vous dépouillez Juvénal, les satiristes, évidemment, là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de sons, parce que c'est dans la nature même de leur source que de chercher, de rendre vivant, de faire des tableaux vivants. Mais vous prenez Tite-Live, les sons abondent. Vous prenez Tacite, il y en a partout, même si c'est rond. Bref, vous avez des occurrences d'événements sonores qui sont absolument omniprésents. Et alors, bien souvent, on le sait, hein, ce qui laisse trace et ce qui est hors norme, c'est-à-dire le son qui dérange et qui va pousser quelqu'un à se plaindre. Il y a toujours cet aspect un peu biaisé, mais malgré tout, c'est extrêmement utile. C'est vrai que les plaintes pour le son qui nuit, ça, c'est quelque chose qui est une source magistrale aussi. Oui, vous savez qu'on a tendance à davantage insister sur ce qui ne va pas que sur ce qui va, et donc sur ce qui dérange plutôt que sur ce qui ne dérange pas. Effectivement, c'est assez intéressant par le biais de ces extrêmes sonores, de ces sons qui sont dérangeants, de voir qu'est-ce qui pourrait s'écarter à une forme de normalité acoustique qui n'est pas défini en soi. On trouve pas, par exemple, dans les sources juridiques de seuil d'acoustique qui serait une limite au-delà duquel un son deviendrait dérangeant. Donc la norme n'est pas définie juridiquement. En revanche, par la pratique, on se rend compte qu'il y a certaines catégories de sons qui dérangent. Et dans une enquête que j'ai menée sur les sons artisanaux dans la Rome impériale, essentiellement la Rome du Haut Empire, j'ai essayé de recenser et de comprendre ce qui faisait que ces sonorités étaient dérangeantes ou pas, en tout cas, qu'est-ce qui faisait qu'elles étaient notées par les anciens. Et il y a deux thématiques qui font que ces sons ressortent particulièrement. Il y a d'une part tout ce qui ressort de la percussion, tout ce qui correspond à du martelage de monnaie, tout ce qui correspond à donc une percussion volontaire ou pas, mais qui vraiment semble heurter les oreilles des anciens. Et puis tout ce qui correspond à de la voix qui serait déplacée, de la voix qui ne sort pas au bon moment, qui serait déplacée. Alors par exemple, la voix du maître d'école le matin qui se met à hurler sur ses élèves et qui empêche Martial de dormir. Là, ça l'agace vraiment Martial, parce que non seulement il hurle, mais en plus il frappe ses élèves. Donc on a tout, on a la voix, puis on a la percussion, donc vraiment c'est insupportable. Et Martial demande même si ce maître d'école ne préférerait pas qu'on lui donne autant d'argent pour se taire qu'on lui en donne pour professer. Donc c'est quelque chose, une piste qui pourrait être intéressante effectivement pour l'éducation nationale peut-être. Et puis la voix donc qui peut être hors de son état normal au sens où elle serait socialement dérangeante, une voix qui aux oreilles des aristocrates, des élites qui sont ceux qui ont le temps d'écrire et qui nous ont livré ces sources narratives, une voix qui dérange parce que c'est la voix du peuple, parce que c'est la voix des marchands, c'est la voix des femmes de mauvaise vie qui ont cette voix rauque qui dénote le fait qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle n'est pas de bonne santé. Il y a toute une construction comme ça de la voix qui n'est pas dans la norme, en tout cas la norme telle qu'elle est entendue, telle qu'elle est construite, telle qu'elle est définie par les aristocrates de la Rome antique. Alexandre Vincent, vous avez co-dirigé le paysage sonore de l'Antiquité, méthodologie, historiographie, perspective. Justement, nous entendons bien que c'est une histoire des perceptions, des représentations, une histoire sociale évidemment, et peut-être aussi une histoire politique. France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Rassurez-nous, Mylène Pardoen, notre oreille n'a pas bougé. Cependant, on peut faire confiance à notre oreille parce que les représentations, les perceptions ont changé. Du point de vue mécanique de l'oreille, non, c'est bon. Moi, je suis pas vraiment dans la médecine, mais non, normalement, les oreilles n'ont pas bougé. Mais par contre, ce sont tous nos référents qui ont été modifiés au fil du temps, et pas que les oreilles. Oui. C'est pareil pour le nez, pour le goût. Tout ça a été complètement. Aujourd'hui, on est aseptisé. Que ce soit au niveau du bruit, du son, on est un peu même isolé au niveau du son. Puisque j'ai fait un trajet pour venir jusqu'à la maison de la radio et on va dire 80% des personnes autour de moi avaient un casque dans les oreilles. Donc ça veut dire qu'on s'isole aussi du son extérieur, alors que le son a quand même une vocation à être informatif. C'est-à-dire qu'il apporte, il apporte une information. Et c'est ça aussi qu'il faudrait remettre au centre du débat, c'est qu'il n'est pas forcément nuisible. Exactement. Et puis, il a une fonction sociale aussi évidente, hein, parce que l'échange, c'est le son. Alexandre Vincent. Oui, pas plus que Mylène Pardoen, je suis capable de dire si l'oreille a évolué, mais cette réflexion-là me fait penser à une référence qui est donnée dans un ouvrage absolument assez fou d'Hillel Schwartz qui s'appelle Boeing, qui est une sorte d'ouvrage de 1000 pages qui a été publié aux éditions Zone et qui est sur le son de manière générale. Ça part dans tous les sens, mais ça fait état d'une mission qui a été menée dans les années 50, je crois, par un médecin qui s'appelle Rosen, dans des villages d'Afrique noire qui auraient vécu reclus à l'écart du monde moderne. Et il y a des médecins spécialistes des oreilles qui se sont rués sur ces villages d'Afrique noire avec l'idée qu'ils allaient avoir accès à une oreille préhistorique. Accès à une oreille qui serait une oreille qui n'aurait pas été abîmée par la révolution industrielle, qui n'aurait pas abandonné. Évidemment, c'est à déconstruire totalement avec toute la dimension colonialiste et la reconstruction qu'il pourrait y avoir sur aussi une vision d'un monde qui serait un monde en dégénérescence par rapport au son. Si on revient même à l'origine de la notion de paysage sonore qui donc a été forgé par un musicologue, compositeur canadien qui s'appelle Robert Murray Schafer. Derrière l'idée de Murray Schafer, selon laquelle qui donc dit qu'il y a des paysages sonores qui correspondent à tout ce que l'on peut entendre en un lieu et en un temps donné, donc une sorte d'unité de temps et de lieu qui est créée par l'oreille. Derrière cette notion de paysage sonore, il y a pour Murray Schafer l'idée que le monde va de mal en pis, qu'il y a des paysages sonores idéalisés qui sont ceux sur lesquels je travaille, qui sont ceux de Virgile, bucolique, où tout se passait bien, il n'y avait que les oiseaux et les hommes qui couraient dans les champs, dans un silence parfait et des sons qui se détachent en très haute fidélité, c'est les termes qu'utilise Murray Schafer. Et puis, après la période médiévale et surtout la révolution contemporaine, il y a l'idée que notre monde est désormais un égout sonore, et notamment le ciel est pour Murray Schafer devenu l'égout sonore rempli par les avions et les hélicoptères, et Murray Schafer se voyait comme étant une sorte de missionnaire qui avait pour volonté de sauver le monde sonore tel qu'il pouvait exister, tel qu'on pouvait encore le capter, avant qu'il ne soit avalé par une sorte de maelstrom, de gloubi-boulga acoustique. Donc il y avait cette dimension quasi christique de sauvegarde du monde, d'un monde qui est un monde totalement reconstruit, idéalisé, encore une fois, dans une ville millionnaire comme l'était la ville de Rome au premier siècle de notre ère, on n'était pas dans un monde où les petits oiseaux se détachaient dans un silence parfait. Hein, et toutes les sources nous le disent. C'est le boucan, c'est le brouhaha qui existait. Encore une fois, les descriptions sont très très très très vivaces et oblitérer cette idée qu'il y a déjà eu des phénomènes acoustiques extrêmes dans le passé, qu'il y a déjà eu des phénomènes urbains extrêmes dans le passé, comme l'a pu l'être la ville de Rome. Ça n'est pas être historien, tout le monde ne peut pas l'être, mais c'est bien d'écouter les historiens aussi. Ah, c'est essentiel d'écouter les historiens, les historiennes, ça on le sait bien. Et justement, dans cette réflexion sur la perception de ces sons du passé, Mylène Pardoen, est-ce que vous pensez que nous serions absolument surpris si nous nous projetons dans, je ne sais pas moi, Paris au XVIIIe siècle et que nous entendons cette ville? Et quelles seraient les plus grandes surprises? Surtout essayer de remettre en adéquation des éléments sonores dont on n'a pas l'habitude pour les retrouver. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on remonte dans le temps, l'oreille, elle sert de boussole quelque part. C'est à la fois un repère, donc le bruit devient un repère temporel et géographique. Donc on serait plus complètement perdu par ce non-repérage, parce qu'on n'a pas, les référents à mettre en adéquation. Moi, je retrouve souvent, justement, dans Brotès, quand je le fais écouter, puisqu'il y a des sons qu'on n'entend plus, ils sont encore présents, mais on les entend plus au quotidien. Et donc, quand je diffuse cette fresque sonore, c'est un peu, c'est un mélange, puisqu'on n'arrive pas à remettre en repère l'objet, le geste ou l'action qui émet du son. Eh bien, le mieux, c'est sans doute d'écouter cette reconstitution sonore de Paris au XVIIIe siècle. Je pense que tous les auditeurs, les auditrices du cours de l'histoire sur France Culture se sont, eh bien, presque naturellement amusés à essayer d'identifier. On a entendu quelques canards, il y a des meuglements sans doute. Oui, bah on est sur la porte de Paris, donc on est sur un axe de passage très très fort, d'autant plus que à cet endroit-là, vous avez également la Grande Boucherie. Donc il y a vraiment énormément de bruit, de passage, de densité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur cette place du Châtelet, qui aujourd'hui est plate à Paris, à cette époque-là, on était dans un creux. Donc au niveau acoustique, ça change aussi, ça modifie. Les bruits vont rester plutôt en bas. Et bon, oui, c'est une façon parmi on va dire 1000 ou 2000 façons de présenter cette place-là, puisque le marché ne paraît pas tous les jours, hein. Il y a des jours qui sont bien distincts. Donc j'ai figé le temps pour restituer un Paris qui est le Paris du 18e. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on remonte le temps pour essayer de concocter, reconstruire des ambiances sonores, on est obligé faire une sorte de carottage au travers plein de couches, un millefeuille. Parce qu'on a les ambiances, ce qu'on appelle la géophonie, et tout ce qui est attenant au lieu. Après, on a tout ce qui est biophonie. Donc là, on a entendu surtout des poules, des dindons, mais il y a également tous les oiseaux, il y a des chiens, il y a plein d'éléments. Et puis au-dessus, les plus gros pollueurs, c'est nous, hein, l'anthropophonie. Et il faut comprendre les articulations, à la fois sociales, à la fois tout ce qui fait qu'il y a une vie. Un peu pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Quand on se promène dans la rue, nous on va traverser et on chope au passage des bribes. Donc aujourd'hui, en plus, les gens téléphonent, donc on a vraiment, on rentre dans leur vie presque intime au moment où on va passer à côté d'eux. Eh bien, à cette époque-là, c'est pareil. Il faut comprendre les articulations pour se dire que c'est pas du cinéma, c'est-à-dire que c'est pas une bande son avec de la musique dans le fond et puis quelques petits bruitages pour dire il y a un cheval qui passe ou il y a une personne qui monte des escaliers sur des marches en bois, mais c'est bien une articulation complète de tout ce qui peut se passer à un moment donné dans un espace. Un espace-temps, parce que le son, c'est du temps, de l'espace et de l'espace-temps. C'est ça qu'il faut rendre, cette densité-là. C'est très important parce que nous saisissons bien que dans la ville, nous n'avons pas les mêmes sons le jour et la nuit, enfin des choses comme ça. Dans cette complexité de construction d'un paysage sonore, Mylène Pardoen, il y a le détail qui compte. Alors, vous avez évoqué la Grande Boucherie, c'est vrai que l'étal du boucher fait du bruit. À cause. Mais là, c'est pas que l'étal du boucher qui fait du bruit, c'est que le bétail, il arrive vivant, il est abattu, et ensuite, eh bien oui, il est débité. Donc ça veut dire qu'on prend une hachette, et puis paf, paf, paf, sur un étal de bois, on va le couper. Donc, et puis les mouches arrivent. Et voilà, les mouches arrivent, et au-delà, on peut s'imaginer les odeurs, puisque la viande est mûrie sur place, et derrière, elle a triperie. Voilà, c'est un univers. Non, mais c'est pour ça que, en fait, je sais pas comment vous percevez le son tout seul, mais moi, le son tout seul, ça marche pas. C'est le son et tous les sens qui viennent en même temps, parce que ça déclenche d'autres repères qui sont olfactifs, qui peuvent être gustatifs au moment où on passe. C'est comme si on voit la Madeleine de Proust, on la sent et puis bah on l'entend grésiller quoi. Ouais, c'est magnifique. Non mais j'adore cette construction mentale extrêmement complexe, mais vous nous donnez les clés pour que nous ayons nous aussi cette démarche, parce que un paysage sonore est tout un univers social, et nous l'avons déjà dit, bien souvent politique. Il faut toujours qu'il y ait des synchroniseurs d'activité. La campagne, c'est peut-être le coq, c'est peut-être des chants d'oiseaux en même temps que la cloche. Mais les cloches ont joué au 19e siècle, hein, continué de jouer un grand rôle de synchroniseur d'activité, et c'était assez bien toléré. Mais à partir des années 60, hein, 1860, on sent monter une intolérance à ce type de bruit. Les gens s'en plaignent. Et alors voilà, on voit, cette histoire est réalisable par l'analyse des plaintes au conseil d'hygiène ou des plaintes adressées dans les commissariats de police, tout simplement. Hein. Eh bien, on voit à partir des années 60, au moment où la ville moderne, disons, se constitue, ça correspond à peu près à l'haussmannisation, on voit se développer les plaintes contre les cloches du matin. Dans la ville de Paris, il y a un nombre de cloches très grand, mais aussi un nombre très grand de cloches inutilisées. Alain Corbin, que nous saluons. Alain Corbin, l'auteur des Cloches de la Terre, paysages sonores et cultures sensibles dans les campagnes au 19e siècle, qui s'exprimait sur France Culture en 1995. C'est toujours très pertinent, hein, cette approche, Alain Corbin, sur cette histoire très fine de la perception. Alexandre Vincent, nous l'avons évoqué. Le paysage sonore, c'est du temps. Le son n'est pas le même aux différents moments de la journée. Les cloches qui rythment le temps, c'est aussi des lieux. C'est-à-dire que dès lors, en évoquant le son, pourquoi pas le bruit, nous pouvons évoquer le silence. Et dans la Rome antique, il y a de ça aussi. Le paysage sonore peut permettre de savoir dans quel lieu nous sommes, même les yeux fermés. Oui, effectivement, mais juste quelques mots sur Alain Corbin d'abord, qui est vraiment, d'un point de vue d'historiographie, qui a tant fait, d'une part, pour évidemment l'évolution historiographique, l'histoire culturelle, des perceptions, etc. Et du point de vue très limité des paysages sonores, il emploie cette expression de paysage sonore. Il l'emploie de manière extrêmement intéressante, puisqu'il l'emploie totalement déconnecté de son concepteur, de Murray Schafer. Et il en fait quelque chose qui est bien à lui. Pour le paysage sonore que décrit Corbin, c'est le paysage sonore de la totalité de la France du 19e siècle, campagne particulièrement, et le siècle entier. Donc c'est des échelles qui sont très très grandes, ce qui correspond pas exactement à ce qui était censé être l'approche de Murray Schafer. Et ça montre à la fois la fertilité et la difficulté d'usage de la notion. Mais effectivement, les lieux sont importants. Les lieux sont importants, ils permettent de se repérer pour des espaces qui sont particulièrement marqués. Alors on est tributaire, en tout cas pour la période, les périodes les plus anciennes, de nos sources et du pointillisme qui peut faire l'objet de l'approche. On a évidemment beaucoup d'informations sur les quartiers centraux, sur ceux que fréquentent les membres de l'aristocratie, je reviens là-dessus, sur l'approche sociale, l'origine sociale des sources, sur la zone du Forum, évidemment, sur la zone du Vélabre, où on a des activités commerciales qui sont très bien documentées. On a ponctuellement comme ça des informations qui apparaissent, parfois sans que les auteurs ne le fassent exprès. Tite Live rapporte par exemple qu'au IIe siècle, avant notre ère, sur le Forum, qui est censé avoir été débarrassé à cette époque-là de toute la dimension commerciale qui était la sienne au départ, pour être anobli, c'est l'espace de la politique, c'est l'espace où les aristocrates en toge viennent conquérir le monde. Eh bien, Tite Live nous rapporte qu'un jour, un bœuf s'est enfui et qu'il est monté à l'état au deuxième étage, que ça a créé des problèmes. Mais donc, c'est qu'il y avait encore un bœuf quelque part par là, bœuf qui était peut-être, certes, là pour être sacrifié, puisque ça, c'est l'offrande majeure, mais qui s'est peut-être échappé aussi de la zone du Forum Boarium, qui est pas si loin près du port. Et donc voilà, on voit comme ça, on peut avoir des identités spatiales qui se créent par cette approche par l'oreille. Mais je rejoins absolument ce que disait Mylène Pardouen tout à l'heure en disant, mais comment est-ce que vous faites pour vous contenter seulement des sons? C'est la limite principale qui a été faite aussi à cette notion de paysage sonore, notamment celle de Tim Ingold, l'anthropologue, qui dit que ça n'a aucun sens, puisque tous les collègues des sciences de la biologie ou de l'acoustique nous disent bien que il est impossible d'avoir uniquement une perception sonore. Il y a polysensorialité fondamentale. Donc on fait nous-mêmes un découpage, si on se concentre seulement sur les sons, on fait un découpage dans le réel qui peut être problématique, et en même temps l'articulation, ce qu'éveillait pour un ancien un son en termes de goût ou en termes d'odeur, là on se met dans un niveau de difficulté, en tout cas pour les périodes les plus anciennes qui sont celles sur lesquelles je travaille, on se place sur un niveau de difficulté par rapport aux sources qui fait que c'est très difficile peut-être de vouloir écrire sur ces périodes-là avec la polysensorialité. Oui, c'est très compliqué parce que c'est vrai qu'il y a cet aspect social évident et quand l'activité n'est pas censée produire de sons qui provoquent des nuisances, je pense à quelqu'un qui écrit. Quelqu'un qui écrit n'est pas du tout une nuisance dans notre perception. Nous avons dès lors, même dans la Rome antique, des quartiers plus silencieux que d'autres, peut-être plus... Alors, avec un rapport particulier au son, mais ce mot de nuisance, en fait, ne vaut que si nous nous plaçons selon une perception. C'est que pour le boucher, ce n'est pas une nuisance, ce qui va être une nuisance pour quelqu'un d'autre. C'est ce jeu qui fait la complexité, mais qui est fascinante, cette complexité que vous évoquez, Alexandre Vincent. Oui, je vais sortir un peu de mon précaré chronologique, mais il y a vraiment un article que je trouve superbe d'un anglais qui s'appelle Peter Coates, qui a travaillé sur les sons de la révolution industrielle perçus par la bourgeoisie anglaise, et qui démontre que bien que les bourgeois qui vivent dans les villes à côté, qui sont collés aux usines, les usines qui les enrichissent, qui font qu'ils sont en train de s'élever socialement, ces bourgeois se plaignent incessamment des chanteurs italiens qui viennent dans les rues pour jouer de l'orgue de Barbarie et qui viennent les agonir de voix qui, et donc ils déposent des mains courantes, ils se plaignent. Mais ils vivent à côté d'usines qui font un boucan pas possible, qui ne les dérangent pas évidemment, puisque elles les enrichissent. Et donc là, on est vraiment la définition par excellence de cette différence qu'il peut y avoir dans la perception. Pour revenir pour la période ancienne, effectivement, on a des espaces que l'on imagine être a priori un petit peu plus silencieux, des quartiers qui seraient plus nobles, mais en réalité, le son, vous savez, a cette capacité à se transporter et à dépasser, à s'affranchir complètement. Il n'y a pas de murs qui réussissent vraiment à franchir, peut-être les murs de la maison de la radio, mais qui réussissent à nous couper du reste du monde. Mais un Sénèque, par exemple, qui écrit, qui philosophe, grand philosophe qu'il est, ne cesse d'être dérangé, même quand il est dans sa maison, à la Metasudens, donc en cœur de Rome, dans une zone plutôt noble, et il dit, mais ah voilà, je suis en train de me concentrer, et qu'est-ce que j'entends? J'entends un tournoi de balles qui est à côté, donc un tournoi de foot qui se déroule juste à côté, et qui vient me déranger parce qu'il y a la Lingens Clamor, la vraie beuglerie qui arrive et qui m'empêche de travailler, mais comme je suis quand même un philosophe très très puissant, je vais réussir à le faire. C'est tout le but de sa démonstration, évidemment, de néo-stoïcisme. Donc cette... différenciation de l'espace par les sons, elle existe, mais le son franchit les barrières et c'est aussi ça qui nous permet d'avoir certaines occurrences sonores qui nous parviennent. Et puis nous l'avons dit, le son est essentiel, c'est un élément majeur. C'est vrai que nous n'imaginons pas un film sans son, en tout cas pas un film muet, mais où il n'y aurait que des paroles. Et c'est la même chose pour un jeu vidéo, Retour à Paris au XVIIIe siècle. Je ne me lasse pas de vous croiser sur ma route. Mais ces instants sont si fugaces, hélas. Crois-toi donc, ma soeur. Ne fuis pas. Je suis là. Au moins, tu cours. Alors, ce que nous entendons là, c'est l'ambiance dans les rues de Paris, dans le jeu vidéo Assassin's Creed Unity, donc c'est au temps de la Révolution française. Il y a eu un gros travail de fait, de reconstitution en 3D de la ville de Paris. Dites-nous, Mylène Pardoen, quand vous entendez ça, je ne vais pas vous demander de corriger ce son, parce que c'est pas la peine. Il y a quelques voix qui sont là dans ce jeu. C'est très compliqué, les voix dans un paysage sonore. Oui, en l'occurrence, au XVIIIe siècle, moi je ne m'aventure pas à essayer de reconstituer de la verbalisation. L'oralisation pour cet effet de foule, oui. La verbalisation, non, parce que au XVIIIe siècle à Paris, quand on regarde les couches les plus basses de la population, on ne parle pas le français. Donc dans ce jeu vidéo, déjà, il y a un petit souci qui me semble assez intéressant à pointer. Savoir comment ils parlaient, c'est compliqué. Savoir comment étaient positionnées les voix, je pense qu'elles avaient des voix plus rocailleuses, plus fortes aussi, parce que nous, on passe notre temps à retenir de par les règles, nos règles sociétales, hein, on se retient tout le temps. Donc tout doit être différent et tout doit être réfléchi. Et puis il nous manque la musique de la voix. Qu'on retrouve un peu dans les patois, puisqu'ils n'ont pas tout à fait la même... Mais aujourd'hui, on a un parler qui est linéaire, qui est plat. Il suffit d'écouter des Italiens ou d'autres langues qui chantent beaucoup plus. Nous, on est relativement plat. Oui, nous avons perdu l'art de rouler les airs, parce que ça, c'était magnifique. Rouler les airs. Ah, vous le faites faire bien. Et justement, dans toute cette réflexion d'archéologie sonore, carton rouge pour ceux qui se trompent, mais orange pour le théâtre. Alexandre Vincent, qu'entendons-nous ? Nous entendons les résultats d'un projet de recherche qui s'appelait Sonat, qui a été mené par Sorbonne Université et qui avait pour objectif de proposer une virtualisation acoustique et visuelle du théâtre d'Orange. Le théâtre d'Orange est un des théâtres les mieux conservés de la Romanité, mais dans l'état que nous voyons actuellement, il y a quand même toute une partie qui correspond à des restaurations, à des reconstructions contemporaines. Et l'objectif de ce projet, qui a été lancé par Emmanuel Rousseau, qui est professeur d'archéologie à Sorbonne Université, c'était d'une part, proposer un modèle virtuel qui soit une reconstitution du théâtre d'Orange au 1er siècle de notre ère, tel qu'il était, donc tel que l'archéologie, les relevés archéologiques et les connaissances des fouilles nous permettent de le reconstituer, donc en faisant fi de tout ce qui a été remis en place pour retrouver l'état originel, et d'insérer dans un deuxième temps au sein de ce modèle architectural un modèle acoustique qui permet d'étudier les potentialités de l'édifice, non pas maintenant, tel qu'on peut les mesurer en allant faire des mesures avec un micro, mais tel qu'il l'était justement dans sa forme architecturale du 1er siècle. Et donc ce modèle a été créé, a fait l'objet d'une thèse soutenue à Polytechnique, un logiciel a été créé pour, à partir de ce modèle, eh bien permettre d'évaluer les potentialités acoustiques de l'édifice suivant différents endroits du théâtre, quel était son apport par rapport l'apport de l'édifice par rapport à un chant. Alors vous avez, ça augmente évidemment la portée de la voix, la portée du son, et ce qui est intéressant, on retombe sur une dimension sociale. Ça n'est pas une nouveauté complète, parce qu'il y avait déjà des enquêtes qui avaient été faites précédemment, mais on a des mesures précises sur les différences qu'il y a dans la perception entre les premiers rangées qui étaient réservées à l'élite, ce qui était ceux qui pouvaient se situer tout en haut, donc a priori les moins bien situés socialement, qui entendaient tout simplement 10 fois moins bien, avec une puissance, mais surtout une clarté du son qui est moins importante. Et à l'intérieur de ce modèle acoustique, nous avons mis les sons qui ont été reconstitués scientifiquement selon les méthodes d'archéologie musicale que j'énonçais précédemment, par un collègue qui s'appelle Stéphane Hagel, qui a reconstitué la tibia. La tibia, c'est l'instrument roi de la scène romaine, c'est ce que nous avons entendu, donc. C'est un double hautbois, et donc nous avons mis les captations sonores faites en chambre acoustique, en chambre sourde, de cet instrument dans le modèle architectural, et nous l'avons proposé au public sous forme d'un film qui restitue vraiment les propriétés acoustiques tant de l'instrument que de l'édifice. S'il faut un son pour terminer cette émission, ce sera celui de ma voix qui dit passionnant. Merci vivement à tous les deux, Alexandre Vincent. Je rappelle vos travaux, musique écho de l'Antiquité et puis le paysage sonore de l'Antiquité. Et quant à vous, Mylène Pardoen, sur le site du cours de l'histoire France Culture, on trouve les liens vers le site du projet Bretèze et puis votre blog Archéoson. Là aussi, il y a de quoi se régaler les oreilles, le cerveau. Et il est l'heure de continuer la régalade dans le cours de l'histoire, puisqu'arrive Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Peut-on faire l'histoire d'événements qui n'ont pas eu lieu ? Sauf dans le cas où l'on définit l'histoire comme une forme de fiction, faire l'histoire d'événements qui n'ont pas eu lieu peut paraître absurde. Pourtant, des philosophes, des sociologues et même des historiens très sérieux ont vu dans ce type de raisonnement une démarche salutaire pour faire avancer la réflexion sur l'histoire de l'humanité. Au XIXe siècle, le philosophe Charles Renouvier a forgé le néologisme « uchronie » sur le modèle d'utopie pour désigner une démarche qui prend ses distances avec une forme de réalisme où l'histoire est étroitement rattachée au temps qui passe. L'auteur d'une uchronie prend comme point de départ une situation historique réelle, mais il en modifie l'issue pour ensuite imaginer les différentes conséquences possibles. L'exemple le plus connu est celui de Napoléon à Waterloo. Que se serait-il passé s'il avait gagné cette célèbre bataille ? Le sort de la France, de l'Europe, voire même du monde, aurait-il été bouleversé ? Ce type de réflexion a fini par pénétrer dans le débat universitaire à la fin du XIXe siècle, lorsque la sociologie naissante a remis en cause la primauté de l'histoire dans les sciences humaines. En France, les sociologues durkheimiens ont dénoncé une conception de la vérité fondée sur un culte paresseux du fait, oubliant que toute recherche repose sur le type de questions que l'historien pose aux archives. En Allemagne, Max Weber a poussé l'analyse encore plus loin, en affirmant que l'on ne pouvait comprendre les causes objectives d'un événement passé qu'en imaginant ce qui se serait produit si ces causes n'avaient pas existé. L'intérêt de ce type de démarche, c'est qu'il nous empêche de croire que ce qui s'est réellement passé était inéluctable, selon la vieille conception religieuse du « c'était écrit ». La démarche contrefactuelle a pris de l'ampleur au XXe siècle, dans le monde anglo-saxon, d'abord en dehors du milieu universitaire. Un ouvrage collectif a joué un rôle important dans l'émergence de cette tradition, c'est celui de l'écrivain britannique John Collings, livre qui s'intitule « Et si cela s'était passé autrement ?» paru en 1931. On y trouve une contribution de Winston Churchill. Il analyse ce qui se serait passé si le général Lee n'avait pas gagné la bataille de Gettysburg en 1863, victoire qui marqua un tournant dans la guerre de sécession au détriment des sudistes. Au cours des années 2000, l'histoire contrefactuelle s'est imposée comme un nouveau domaine de recherche dans le monde anglo-américain sous l'impulsion d'un historien de l'économie, Niall Ferguson, auteur d'un livre à succès intitulé « Virtual History ». Le grand écho que rencontre ce type d'approche, au-delà du petit cercle des spécialistes, tient au fait qu'il est mis à profit par les groupes politiques qui s'affrontent aujourd'hui dans ce qu'on appelle la guerre culturelle. Dans l'un de ses livres, Ferguson apporte de l'eau au moulin des conservateurs en affirmant que si l'Empire britannique n'avait pas existé, le sport, le libre-échange, la démocratie n'auraient pas pu se diffuser dans le monde entier. Inversement, ceux qui s'inscrivent dans la mouvance post-coloniale élaborent des histoires alternatives pour montrer que les handicaps dont souffre le continent africain aujourd'hui est la conséquence de l'esclavage. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Tossienne Vudèche, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster, ainsi que le pourquoi du comment de Gérard Noiriel sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.